بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا بحول الله جل وعلا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل الثبات والتوفيق والسداد. Donc on va continuer inshallah les frères sur l'étude de القواعد المثلى, les règles exemplaires concernant les noms et les attributs divins ou les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en implorant Allah jalla wa ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Wabard. Donc hier, on avait commencé dans la dernière assise l'étude d'une nouvelle règle, puisqu'on avait dit dans la présentation de ce livre, l'auteur, Allah wa huwa, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, dans son œuvre, l'auteur mentionne des règles. Des règles concernant notre croyance liée au nom divin et aux attributs divins, c'est-à-dire liée au nom d'Allah Azza wa Jal et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque lorsque vous ouvrez et méditez le Coran, vous pouvez constater qu'Allah Jalla wa Ala s'est nommé par des noms. Donc il nous a informé à son sujet qu'il est par exemple Ar-Rahman, Ar-Rahim, par exemple, Al-Samir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Wadud, Al-Jabbar et autres noms. Donc dans le Coran, il y a la mention de noms. Donc quelles sont les règles concernant notre croyance en ces noms? Et donc l'auteur ici va nous mentionner, dans, c'est pour ça que cet écrit, cette œuvre s'appelle Al-Qawaid al-Muthla, des règles exemplaires concernant le domaine de l'asma wa sifat, le domaine de Al-Asma wa As-Sifat. Et dans un verset, Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah appartient les noms sublimes, invoquez-le par ses plus beaux noms. Une traduction relative et approximative du sens du verset. Donc l'auteur nous a mentionné des règles. Et là, on est arrivé à la sixième règle. Après avoir étudié la cinquième règle, où on a appris un enseignement très important, que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tawqifiyya. Et on avait bien expliqué cela dans les cours précédents. Le sens de cela, on peut rester maintenant sur les termes en arabe, an al-asma, asma Allahi ta'ala tawqifiyya. Après, nous avons appris, l'auteur après qui nous a appris que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya, dans la sixième règle, il nous enseigne que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants enseignent qu'ils ne se limitent pas à un nombre bien déterminé ou défini. Les noms d'Allah azza wa jal ne se limitent pas à un nombre déterminé ou bien défini. Et dans la dernière assise, on avait commencé à lire la première partie du matn, c'est-à-dire de l'écrit, de l'œuvre elle-même, puisque on lit deux choses. On lit aussi bien le texte, le livre, l'écrit de l'auteur, qui s'appelle Al-Qa'id al-Muthla, mais ensuite, on lit le commentaire. Et on a dit aussi bien l'œuvre, l'écrit, Al-Matn, que le commentaire sont du même auteur. C'est-à-dire que l'auteur ensuite a commenté son écrit. Et la pertinence du fait que personne ne peut mieux comprendre l'écrit si ce n'est l'auteur lui-même de l'écrit. Et c'est pour ça que c'est très pertinent d'étudier le commentaire de l'auteur lui-même de ses paroles. Et donc lui ensuite, après avoir rédigé de sa main, de sa plume, Al-Qawaid al-Muthla, ses règles exemplaires. Et donc ça c'est vraiment une introduction très bénéfique pour l'étudiant, du fait qu'ensuite lorsque vous prenez bien connaissance et vous apprenez bien ces règles, ça vous permet ensuite de pouvoir entrer et étudier. Ça va faciliter l'apprentissage de livres de croyances. et de dogmes, surtout dans le domaine des noms et des attributs. Pourquoi? Parce que l'auteur ici, à travers l'enseignement de ces règles-là, alors le lecteur ou l'étudiant ensuite aura des bases et des connaissances qui lui permettront ensuite de pouvoir étudier des livres plus détaillés, plus poussés dans la connaissance des noms et des attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce domaine est très important, pourquoi? Puisqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, et on ne peut pas mieux le connaître notre Créateur, si ce n'est par l'apprentissage de ses noms et de ses attributs. De sorte que dans ce chapitre, on a appris que l'auteur a mentionné un récit, dans ce chapitre, c'est-à-dire dans cette règle, cette sixième règle, concernant le fait que les noms d'Allah azzawajal ne sont pas limités à un nombre. Et l'auteur va citer, et donc on a lu la partie du maintenant, dans la dernière assise, on avait commencé à lire ensuite l'explication et le commentaire de cela. Jusqu'à ce qu'on est arrivé lorsque l'auteur mentionne le hadith célèbre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui, et le terme qui est mentionné, on avait dit c'est l'ihsa, man ahsaha, celui qui va apprendre 99 noms, alors parmi les noms d'Allah, il rentre au paradis. » Il rentre au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'une manière plus littérale, fil hadith sallallahu alayhi wa sallam, « Inna lillahi tis'atan wa tis'in asman » مِئَةً إِلَّا وَحِدَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Le hadith, plus littéralement, comme il est rapporté par l'imam al-Bukhari, vous pouvez retrouver, si vous voulez vous y référer, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Vous retrouvez fi kitab al-Tawhid, بَابُ إِنَّ لِلَّهِ مِئَةً إِسْمِ إِلَّا وَحِدَ. Dans le chapitre concernant qu'Allah Azza wa Jal détient 100 noms moins 1. C'est-à-dire 99 noms. Et vous pouvez retrouver aussi ce récit-là dans l'authentique de l'imam Muslim, fi kitab al-dhikr, dans le livre de l'évocation. Babu fi asma illahi ta'ala wa fadli man ahsaha. Dans le chapitre concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mérite de les apprendre. Donc regardez, même l'imam Muslim a rédigé un chapitre en l'intitulant chapitre concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mérite de les apprendre. Et donc ce récit-là, où le prophète sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Allah détient 99 noms, 100 moins 1, celui qui les apprend, il rentre au paradis. Là, comme on l'a appris, pour bien comprendre le récit, lorsqu'il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala détient 99 noms, l'auteur ici nous enseigne, et bien sûr d'autres grands savants nous enseignent, que ça ne veut pas dire que les noms d'Allah azza wa jal se limitent à 99. Mais ce récit-là sous-entend qu'Allah azza wa jal possède 99 noms, et ces 99 noms, si on les apprend, on rentre au paradis. Ensuite, on avait appris le terme on les apprend, puisque ça c'est une traduction approximative. Le terme en arabe c'est men ahsaha. Men ahsaha. On avait dit le terme men ahsaha, les grands savants musulmans, dans l'explication de ce récit, ont dit ça sous-entend trois choses. C'est pour ça lorsqu'on traduit par celui qui les apprend, ça reste relatif. C'est relatif pourquoi? Parce que le sens de men ahsaha, les savants disent, ça sous-entend trois choses. La première chose, les apprendre. La deuxième chose, les comprendre. La troisième chose, la mise en application conformément aux implications de ces noms. Donc, celui, men ahsaha, le terme en arabe, al-ihsa, al-masdar, al-ihsa, c'est dans le sens de les apprendre, premièrement. Deuxièmement, les comprendre, que ce soit pas juste un apprentissage dénué de sens, exemple de toute compréhension, du fait que la personne cite quelque chose qu'il a appris, répète quelque chose qu'il a appris, mais ne connaît pas le sens du nom de son créateur ou des noms de son créateur qu'il a appris. Et troisièmement, œuvrer conformément à l'implication de ces noms. Ça, c'est les trois choses sous-entendues comme on les a appris hier. Et on s'était quitté sur cela. Sauf que, lorsqu'il est dit que Allah Azza wa Jal détient 99 noms, celui qui les apprend, donc vous avez vu, la traduction celui qui les apprend, c'est relatif. Celui qui les apprend entre paradis, c'est-à-dire 80, 99 de ces noms. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah Azzawajal détient que ces 99 noms. Ces 99 noms seulement. Et la preuve à cela, c'est le premier récit qu'a cité l'auteur au début de la règle, lorsqu'il cite le hadith concernant le fait que il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son invocation, lorsqu'il invoquait Allah Azzawajal, il disait As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw istatharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Al-hadith. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il invoquait Allah, il disait dans un dua, dans une invocation, Ô Seigneur, je t'implore, je te demande par tout nom par lequel tu t'es nommé. Sammayta bihi nafsak. Ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou bien par ce que tu as enseigné à tes créatures, ou bien par ce que tu as gardé auprès de toi, c'est-à-dire ce que Allah Azzawajal n'a pas révélé. Et là, on apprend dans ce hadith-là, qui est rapporté par l'imam Ahmed, par Ibn Hibban et par le Hakim, et qui est considéré par les érudits et les spécialistes en la matière, dans la tradition prophétique, considéré authentique. Le prophète sallam dit Awistatharta bihi fi ilmi al-ghayb indak. Ce que tu as gardé auprès de toi. Ça fait partie de la science de l'invisible, de l'inconnu pour nous. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il y a des noms qu'il n'a pas révélés. On comprend dans ce récit authentique. Il y a des noms qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas révélés. Et donc l'auteur du livre nous dit si Allah Jalla wa Ala ne les a pas révélés, donc personne n'en a la connaissance. Personne en a la connaissance. Personne n'a la connaissance de deux choses, déjà qu'on pourrait dire. Du nombre et de ses noms. Du nombre et de ses noms en eux-mêmes. C'est-à-dire personne peut cerner, peut concevoir cela. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été révélé. Allah, Jalla wa Ala, comme dit le prophète, les a gardés auprès de lui. Regardez, je vous répète, par exemple, la traduction du hadith de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait « Je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé ou que tu as descendu dans ton livre ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures ou que tu as gardé secrètement auprès de toi. » Que tu as gardé auprès de toi. C'est-à-dire que ces noms-là n'ont pas été révélés. Donc personne peut cerner ou concevoir le nombre de ces noms. Combien de noms Allah Azza wa Jalla a gardé auprès de lui et qu'il n'a pas révélé ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Non. Puisqu'Allah Jalla wa Ala n'a pas révélé cela. Quels sont ces noms ? Allahu A'lam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et ça fait partie des preuves sur lesquelles se base et s'appuie de grands savants, en l'occurrence l'auteur et de grands savants de la Sunna, pour dire qu'on ne peut pas dire que les noms d'Allah Azza wa Jal se définissent ou bien se sont restreints à 99 noms. Mais il y en a plus. Par contre, nous, Allah Jalla wa Ala nous en a enseigné, on a la connaissance de 99. Et on a dit, ce qui est très pertinent, c'est que l'auteur, justement, il va faire des recherches. L'auteur lui-même, il va faire une recherche, une observation minutieuse dans le Coran, dans le noble Coran et dans la tradition du prophète sallam, pour justement sortir ces 99 noms. Pour sortir les 99 noms, comme on va les apprendre dans ce chapitre, vous allez voir, il va recenser tous les noms d'Allah Azza wa Jal, tous les noms divins qui sont dans le Coran et qui sont dans la Sunna. Qui sont dans la Sunna, on dit bien la Sunna authentique. Pourquoi ? Parce que les savants ne se basent pas sur les hadiths faibles, sur des hadiths qui ne remontent pas véritablement et sûrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que les narrations soient authentiques. Et donc de ce fait, l'auteur a fait la liste des 99 noms. Et c'est ce qu'on va voir ensuite dans ce chapitre, dans cette règle. On va les lire et Inch'Allah les apprendre. C'est-à-dire les apprendre, essayer de les comprendre. Essayer de les comprendre. Ensuite, celui qui veut faire l'effort de mémorisation de les apprendre, en plus de les comprendre, et devrait, dans le sens des applications de ces noms, le prophète lui dit, il rentre au paradis. C'est l'entrée au paradis pour celui qui les apprend. Œuvrer dans le sens des implications. Qu'est-ce que cela veut dire ? Premièrement, le prophète dit, « Men arsaha dakhala al-jannah ». Donc maintenant, on peut rester sur le terme en arabe pour celui qui veut apprendre le hadith. Pour ceux qui veulent apprendre le hadith, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce récit, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah détient 99 noms, 100 moins 1. Celui, on peut essayer son terme, man ahsaha, celui qui fait l'ihsa. L'ihsa, littéralement, on avait dit l'ihsa, si on donne un mot littéralement, le recensement. Vous avez vu l'ihsa, même en arabe, lorsque vous cherchez les, quand ils disent les statistiques, ils utilisent ce terme souvent, l'ihsa, l'ihsa'iyat, les statistiques, le recensement, l'ihsa, c'est le fait de recenser, de dénombrer, ici dans le sens d'apprendre, avec les trois choses qu'on a dit que ça sous-entend. Ils rentrent au paradis. Apprendre, comprendre, œuvrer dans le sens des implications. Quel est le sens de œuvrer dans le sens des implications? On a dit. On apprend par exemple parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, annahu wa samia, qu'il est celui qui est samia. Ça fait partie des noms d'Allah. As-samia. Ça fait partie des noms sublimes. Wa samia. Il s'appelle comme cela. Allah, il est le samia. Samia. Allah dit dans un verset, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-samia. Al-Basir, wa huwa as-Sami'. Il est Al-Basir aussi. Donc Allah as-Sami', c'est dans le sens Allah est une traduction relative, parce qu'il faut être prudent lorsqu'on traduit les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc on donne un sens approximatif, c'est celui qui entend tout. Rien ne lui échappe. Il entend tout. Toutes nos paroles, même secrètes. Allah entend tout. Lorsque le croyant apprend et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout. Alors de ce fait, cette compréhension-là et cette connaissance-là, eh ben, vont le mener à ne dire que du bien. À ne dire que du bien. Et d'éviter de proférer le mal. Et de dire des paroles mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il sait que son créateur est celui qui entend tout. Et donc de ce fait, c'est un grand rappel. Celui qui connaît son créateur, et donc il sait qu'Allah par exemple est celui qui entend tout, alors il va éviter par exemple de tomber dans toute forme de calomnie, de médisance, de mensonge et autres, parmi les d'insultes et d'injures, parmi les mauvaises paroles, wal nifaq, wal kufr, ila akhiri, parmi les mauvaises paroles, à plus forte raison des paroles de polythéisme, de shirk. Pourquoi? Parce qu'il sait que son créateur l'entend. C'est ça, œuvrer dans le sens d'implication. Alors, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-basir, parmi ses noms, al-basir, il est le clairvoyant, c'est-à-dire celui qui voit tout. Rien ne lui échappe dans ce domaine. Alors, le croyant s'écarte de tout mal. Il sait que son créateur subhanahu wa ta'ala le voit, où qu'il soit. Où qu'il soit, il sait que son créateur subhanahu wa ta'ala le voit. Alors, il évite de faire du mal. Et ça, c'est... ça fait partie des fruits et des bienfaits de l'étude des noms divins et des attributs de perfection. Nous, Asil, nous hier, on avait bien détaillé, enfin, on avait lu l'explication des trois cas. L'apprentissage, la compréhension et de vrai sur les applications. On va continuer dans l'explication. Taïb. Là, on est toujours dans l'explication du hadith. Dans l'explication du hadith. C'est-à-dire, quel hadith? Puisque dans la 6 dernière, on avait étudié le premier hadith que l'auteur a cité. Le hadith où il nous est dit enseigner la manière de l'invocation du prophète. Lorsque le prophète invoquait le Allah Azza wa Jal en disant « Je te demande par ces noms par lesquels tu t'es nommé ou que tu as révélé dans ton livre » ou que tu enseignes à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. Une traduction approximative. On a étudié ce premier hadith. C'était la preuve concernant le fait que les dons d'Allah Azza wa Jalla ne sont pas limités et définis à 99, ou à un nombre bien précis et défini. Ça, c'était la première chose. Et on avait pris dans l'explication aussi ça, c'est une partie du long hadith concernant l'invocation du soucieux, c'est-à-dire celui qui est dans une situation ou dans une période de soucis. Il est touché par les soucis. Il est angoissé. Il est affligé. Il vit une période où il a des problèmes. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la vocation de Al-Humum wal-Rumum, Al-Ham wal-Ram. Le prophète Hassan dit que celui qui est touché, qui est dans une période de soucis, touché par des problèmes, il est affligé, accablé justement par des difficultés, par des soucis, alors il fait cette invocation. Et il verra son souci, cet état d'anxiété ou de soucis, se dissiper en faisant cette invocation. Donc on a parlé de cela dans la dernière assise. Là, on est toujours sur l'explication maintenant du deuxième hadith. Le hadith concernant le fait d'apprendre 99 noms, il rentre au paradis. C'est lui qui les apprend. On est dans l'explication et le détail de ce récit toujours. Donc, on a appris le sens de Al-Irfa, apprendre, ces trois choses qu'on a citées précédemment. Mais l'auteur nous dit aussi, أما تركيب الحديث فالجملة الثانية وهي قوله من أحصاها مرتبطة بالأولى وهي قوله إن لله 99 اسما فليست مستقلة. Premièrement, pour bien comprendre le récit. Pour bien comprendre le récit. La deuxième partie, on a la première partie du récit, إن لله 99 اسما. Allah détient 99 noms. Littéralement, sont traduits pour Allah 99 noms. Ou Allah a 99 noms. Cette phrase-là, elle n'est pas indépendante. Mais la phrase qui vient ensuite, Men arsaha, celui qui les apprendra rentre au paradis, elle est liée avec ce début de phrase. Elle est liée avec le début, comme dit l'auteur. Faljumlatu thaniya, en arabe, on l'appelle la deuxième phrase. Celui qui les apprend, cette partie-là, cette deuxième phrase-là, est murtabita. Elle est liée à la première. Allah détient 99 noms. 100 moins 1. فَلَيْسَتْ مُسْتَقِلَ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَاقِضُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا سَبَقْ. Et donc, ce hadith-là, pour bien le comprendre, vous allez voir, qui ne contredit pas ce qui a précédé. لِأَنَّنَا لَسْنَا الَّذِينَ قُلْنَاهُ بَلْ قَالَهُ أَعْلَمَ النَّاسِ بربه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك وحينئذ لا يمكن أن يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lorsque le prophète dans ce deuxième hadith, qu'a mentionné l'auteur, il est dit qu'Allah Azza wa Jal détient 99 noms. Ça contredit pas, l'auteur dit ce qu'on revendique. Pourquoi? Parce que le titre de ce chapitre, c'est la sixième règle. La sixième règle, c'est le fait que l'auteur défend la vie, que Allah Azza wa Jal, ses noms ne se limitent pas à un nombre bien précis. Or, lorsqu'on entend ce récit, on pourrait dire si Allah Azza wa Jal détient 99 noms. Détient 99 noms. Et disent que nous revendiquons que les nombres d'Allah Azza wa Jal ne sont pas limités à un nombre bien précis, ça ne vient pas de nous, mais il dit c'est le prophète Hassem lui-même qui nous l'a enseigné. Par rapport au premier récit qu'on a appris, lorsque le prophète invoque Allah Azza wa Jal, il disait ou bien les noms que tu as gardés auprès de toi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été révélés. Et il dit, et le prophète sallam est le plus connaisseur. Et donc il dit, il n'y a aucune contradiction entre les deux hadiths. Il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le hadith précédent. فَلَوْ جَعَلْنَا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ مُسْتَقِلَّةً كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَكَانَ الْحَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ 99 اسْمًا وَانْتَهَتِ الْجُمْلَةُ. Si, c'est quoi la différence? Si on dit, donc là, vous avez, là ça, on commence à rentrer dans l'étude profonde d'un hadith. Vous allez voir que pour bien comprendre un hadith du prophète, c'est une observation vraiment minutieuse des grands érudits, de ceux qui sont ancrés dans le savoir. Regardez, et la langue arabe est très importante. L'auteur, pourquoi il a dit que si on fait la différence entre deux phrases, la première phrase, Allah détient 99 noms, 100 moins 1. Ensuite, la deuxième, celui qui est arsaha, littéralement ou approximativement, les apprend, rentre au paradis, cette deuxième phrase-là, elle n'est pas indépendante. Elle est liée à la première. Pourquoi le cheikh, l'auteur, stipule bien cet enseignement-là? Pourquoi? Parce qu'il dit, certains savants, eux, ont fait la différence entre les deux phrases. C'est-à-dire, pour eux, la première est indépendante. et la deuxième indépendante. De ce sens-là, ou de cette considération-là, ils ont compris que Allah ne détient que 99 noms. Pourquoi? Parce que la première phrase a dit, certes, Allah a 99 noms. S'il dit point, si on dit point, certes, Allah a 99 noms, point, on ne la lit pas à la deuxième, là, on va, natawahem, c'est-à-dire, on va avoir l'illusion. On peut comprendre que, donc Allah Azzawajal détient que 99. Quand on dit que, ça ne veut pas dire 99, c'est pas beaucoup, dans le sens, détient 99, pas plus. Voilà, plus précisément, pas plus. Or, il dit, si donc on dit que la deuxième phrase qui arrive après, elle est indépendante, on la lit pas à la première, alors on peut s'illusionner que donc, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, et rester juste sur la première, et on dit point, Allah détient 99 noms, point. Intahat al-jumla, fin de phrase. Wantaha madluluha. Et ce qu'indique ensuite la phrase, khlas, l'indication ensuite est terminée. L'indication est terminée. Or, il dit, thumma ada faqala man ahsaha ay al-tis'ata wat-tis'in dakhala al-jannah, walakinna la naqul bihadha al-ma'na. Ensuite, donc, ça serait dans le sens, Allah détient 99 noms, point. Deuxième phrase, celui qui les apprend entre au paradis. Celui qui les apprend entre au paradis. Mais l'auteur nous dit, la bonne compréhension, ce n'est pas ça. La kinnana qul bihad al-ma'na. Et dit, nous ne disons pas cela. Idh law qulna bihad al-ma'na, la batala madlul al-hadith al-sabiq. Pourquoi? Parce que si on comprend de cette manière-là, Allah détient 99 noms, point. C'est-à-dire, il détient 99 noms. Celui qui, deuxième phrase, celui qui les apprend rentre au paradis. Alors, il dit, c'est comme si qu'on va annuler le sens indiqué, remettre en cause le sens indiqué qu'il y a dans le premier hadith qu'on a mentionné. Lorsque le prophète invoque Allah en disant, Ô Seigneur, je t'invoque, je te demande par des noms par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu enseignes à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. C'est-à-dire pas révélé. C'est comme si qu'on va pas prendre en considération l'indication de ce hadith-là, qui indique donc qu'il y a des noms qu'Allah Azzawajal a gardés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Wa huwa qawluhu aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak. Wa 'ala hadha fayakunu al-ma'na أن من أسماء الله تعالى 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة أن من أحصاها دخل الجنة. Il dit donc dans ce sens, comment on le comprend alors? Il dit, on lit les deux phrases. On lit les deux phrases et là vous allez mieux comprendre. Maintenant en une phrase, vous allez mieux comprendre. On lit les deux phrases, ça veut dire quoi? Selon cela, on prend en considération aussi le premier récit, parce que les deux hadiths, ce sont la parole du prophète, sallam. Les deux récits, c'est le même auteur, c'est le messager d'Allah, sallam, dans les deux hadiths. Donc les deux hadiths ne peuvent pas se contredire. Dans ce sens-là, il dit, le sens de la phrase aura, El Marna sera, Min asma illa tis'atan wa tis'ina isman. Parmi les noms d'Allah, 99 noms. Celui qui les apprend rentre au paradis. Ça serait ça le sens. Parmi les noms d'Allah, 99, ou sinon on pourrait dire 99 noms parmi les noms d'Allah, celui qui les apprend entre au paradis. Vous voyez la différence? Lorsqu'on traduit de cette manière, on l'explique de cette manière. Parmi les noms d'Allah, 99 noms. Lorsqu'on dit parmi les noms d'Allah, comme il dit dans l'explication, Min asma illahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Parmi les noms d'Allah. C'est-à-dire, parmi les noms d'Allah, il y en a 99 noms. Il y en a 99. Si on les apprend, on rentre au paradis. Si on les apprend, nous rentrons au paradis. Vous voyez la différence? Donc c'est parmi les noms d'Allah, 99, si on les apprend, on rentre au paradis. La différence, si on met un point, Allah détient Allah 99 noms. Point. celui qui les apprend entre au paradis. La différence. Donc là, l'auteur nous explique ça, vous avez vu, fille? Ça, c'est dans la langue arabe. Il dit, exemple, c'est comme si on dit, إذا قلت عندي مئة درهم أعددتها للصدقة. Il dit, c'est comme si, dans l'exemple, Cheikh, il dit, comme si on dit, j'ai 100 dirhams. Ce qu'on va faire pour faciliter, on va dire euros. Voilà, on va dire euros, comme ça on va bien comprendre. C'est comme si une personne a dit, j'ai 100 euros. A'adattuha lissadaqa, que j'ai préparé pour l'aumône. Donc j'ai 100 euros que je dédie, que j'ai préparé pour faire l'aumône, pour donner en aumône. La yunafi an yakuna indaka 1000 dirham. Est-ce que si tu dis que tu as 100 euros que tu as dédié pour l'aumône, est-ce que ça contredit que peut-être t'en as 1000 à côté que tu n'as pas mis ou dédié pour l'aumône, que tu as gardé? Ça contredit pas. Si tu dis j'ai 100 euros que j'ai préparé pour l'aumône, ça ne nie pas le fait que t'en as peut-être 1000 euros que tu as laissé, que tu n'as pas préparé pour l'aumône. Inni qad ayyantu mi'ata dirham lis-sadaqa wal baqi fi mulki aw milki. Et dit, ça veut dire le fait que tu as préparé 100 euros pour l'aumône, mais il te reste 1000 en ta possession. Wa taqulu aydan 'andi thawban a'adattuhuma lil-jum'a. Et dit, c'est comme si tu dis, j'ai deux vêtements que j'ai préparés pour le vendredi. Il y a deux vêtements que j'ai dédiés, préparés pour le vendredi. Est-ce que ça nie le fait que tu as d'autres vêtements? Ça nie pas le fait que peut-être tu peux avoir d'autres vêtements. Mais en tout cas, il y a deux de ces vêtements que tu possèdes, que tu as dédiés pour Al-Jumu'a. وَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُنَ عِنْدَكَ ثِيَابٌ غَيْرُهُمَا فَالْمَعْنَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاضِحٌ. Il dit, donc de ce fait, le sens, il est clair. ولولا حديث ابن مسعود السابق لكان قوله من احصاها دخل الجنه محتملا ان يكون حاصر العدد وتكون الجمله هذه مستقله عن التي قبلها لكن الذي يجعلنا نعين ان تكون تكمله لما قبلها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو قوله او استاثرت به في علم الغيب عندك. Il dit, Cheikh ensuite il dit, si on n'avait pas le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, c'est quoi le hadith de Abdallah ibn Mas'ud? Il dit, si on n'avait pas le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, c'est le hadith concernant Dua, l'invocation du prophète. Ô Seigneur, je te demande par les noms par lesquels tu t'es nommé, que tu as fait descendre dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. Il dit, si on n'avait pas le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, il dit, Na'am, alors, on aurait dit que la première phrase, elle est indépendante de la deuxième. Et donc, on aurait pu restreindre les noms à 99. Il leur dit, oui, on l'aurait dit. Il dit, on aurait pu restreindre les noms à 99. C'est-à-dire que l'autre phrase, elle serait indépendante, elle viendrait compléter. Mais il dit, on a le hadith de Abdallah ibn Mas'ud. Ou bien, où le prophète s.a.w. dit, ou bien que tu as gardé auprès de toi. C'est-à-dire, les noms qui n'ont pas été révélés. إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. Ensuite on passe à la question d'après. Donc après que l'auteur ait dit ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتهم للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. الكلام ça on l'a expliqué. Ensuite l'auteur, après nous avoir expliqué les deux récits de manière très pertinente, pour vraiment nous dire maintenant la question, est-ce qu'Allah Azzawajal, le nombre de ses noms sont restreints à 99? Non. Et vous avez la raison pourquoi beaucoup de savants, et pourquoi l'auteur et les savants stipulent que non. Il n'en a pas que 99, mais il y en a d'autres. Combien? Est-ce que vous trouvez ça dans un livre? Ils ont dit combien? Allahu a'lam. On ne sait pas, puisque on comprend qu'ils n'ont pas été révélés. Donc combien il y en a d'autres? Wallahu a'lam. Que sont-ils ces noms? Que sont ces noms? Wallahu a'lam. Il dit, personne cerne et peut cerner et concevoir cela puisque c'est auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala. Qala ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال إذن إلى أين نرجع إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث؟ فلماذا أبهمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد بلغ البلاغ المبين؟ الجواب أن هذا من حسن الامتحان والبلاغة، لأنه إذا وكل تعيينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب والسنة، لكن لو أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق وهو الكاذب الكسلان، لأنها معلومة للجميع. وهذا كما أخفيت ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر ولم تكن معلومة حتى يستريح الناس، وكذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة. فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحانا. Là c'est très pertinent ce qu'on va apprendre. Ce qu'on va apprendre là c'est très important, c'est très pertinent. On avait commencé à faire allusion à cette question dans la dernière assise. On avait dit. Donc maintenant, on sait qu'il y a 99 noms parmi les noms d'Allah. Celui qui les apprend, il rentre au paradis. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné justement, il nous est mentionné dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités, les 99 noms, dans une liste. Par exemple, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où que les 99 noms sont en quelque sorte listés, sont cités dans un hadith. On a dit qu'il y a des hadiths, avec la mention des noms, avec justement la mention des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un hadith. Sauf que les savants disent que les hadiths sont faibles. Les savants disent à ce sujet que les récits sont faibles. Et donc on n'a pas de hadith authentique sur cela. Ils disent qu'on n'a pas de hadith qui prouve cela. On n'a pas de hadith authentique. Cheikh, maintenant il va dire, pourquoi il n'y a pas de hadith? Donc, si les hadiths, il y a des récits, hein, mais on a dit qu'ils ne sont pas authentiques. Ils ne sont pas authentiques. Donc, Shir considère que ça ne nous est pas rapporté que le prophète Hassem a cité les 99, a listé par exemple les 99. Ici, Shir, l'auteur, il pose la question, il dit, mais pourquoi? Puisque le prophète Hassem a dit, il y a 99 noms, celui qui les apprend, il rentre au paradis. Donc, si par exemple, comme il considère que tous les hadiths qui sont rapportés sur ce sujet-là ne sont pas authentiques. Donc, ils considèrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne les a pas cités, les 99 noms, dans un texte précis. Donc, dans ce cas-là, il dit quelle est la raison. Quelle est la raison? Il pose la question et dit pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a transmis de la meilleure des transmissions, de la transmission la plus parfaite. Pourquoi il n'a pas transmis alors les 99? Dans le sens, il les a transmis, puisqu'ils sont dans le Coran et la Sunna. Mais par exemple, ça soit cité dans une liste, les 99. Il dit pourquoi? Et c'est là que Shimla Seymin, l'auteur, il dit c'est par test. Par test pour la communauté. Lui, c'est l'avis de Shir. Il va expliquer. Lui, il considère que c'est un test pour la communauté. C'est un test pour la communauté du fait qu'ils ne sont pas cités. Il dit, Al-Jawab, Annahad Amin Hus et l'Ibtihan ou Al-Balara. Ça fait partie de la belle éloquence du prophète, de Al-Balara, de sa transmission parfaite et du test. Du test qu'il va donner à sa communauté. Regardez ce qu'il dit. De sorte qu'il dit لِأَنَّهُ إِذَا وَكَلَ تَعْيِينَهَا إِلَى اجْتِهَادِ النَّاسِ مَعَ تَقَيُّدِ بِكُنْيَا تَوْقِيفِيًا تَوْقِيفِيًا. Il dit pourquoi? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mandaté la citation de ces noms, le fait de les trouver, ces noms-là, aux gens, alors ça va les pousser à faire l'effort de les chercher. Ça va les pousser à faire cet effort de recherche pour les apprendre. Donc pour les apprendre. À savoir qu'ils sont tawqifiyya. C'est pour ça qu'on a appris juste avant, dans le chapitre d'avant, on a appris qu'ils sont tawqifiyya. Donc qu'est-ce qu'on apprend s'ils sont tawqifiyya? C'est pour ça qu'on a dit que le chapitre d'avant, il est important, et de l'avoir cité, ou plutôt la règle, la cinquième règle, l'avoir cité avant la sixième règle, c'est très important. Et c'est une très belle faïda. Pourquoi? Parce que si on sait qu'elles sont tawqifiyya, ça se limite au texte, on va les chercher dans les textes. On va chercher ces noms-là, ou dans les textes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils sont tawqifiyya. Que ces noms-là sont, comme on l'a cité précédemment, tawqifiyya. Et c'est ça ce que nous mentionne Ashir. Qala. Et donc, de ce fait, لأنه إذا وكلت عينها إلى اجتهاد الناس مع التقيد بكونها توقيفية صار الناس إذا كانوا حريصين يبحثون عن هذه الأسماء في الكتاب والسنة. Donc les gens, qu'est-ce qui va se passer si vraiment ils sont désireux, comme il dit, si vraiment eux, ils sont désireux d'apprendre, vraiment ils ont ce désir d'apprendre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont les chercher. Mais où est-ce qu'ils vont les chercher? Dans le noble Coran et la sunna du prophète. Pourquoi? Parce qu'on a appris précédemment qu'ils sont tawqifiyya. Ils sont dans les textes. Donc ensuite, eh ben, celui qui est désireux de les apprendre, de les connaître, il va les chercher. Il va les chercher. يَبْحَثُونَ عَنْ هَذِي الْأَسْمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ لَكِن. Par contre, s'ils étaient listés, par exemple, cités dans un récit, bien tous, comme dans une liste, alors il n'aura pas pu apparaître celui qui est véridique de celui qui n'est pas véridique dans son désir d'apprendre les 99 noms. Dans son désir d'apprendre les 99 noms. Regardez ce qu'il dit. لكن لا أعطيت لهم محصورة ما تبين الصادق ما تبين الصادق في طلبها من غير الصادق وهو الكاذب الكسلان. Alors que on a le véridique vraiment qui est désireux de les apprendre. Donc lui, il va les chercher. Et puis, on a celui en vérité qui n'est pas véridique, qui est paresseux. Ni il est véridique. Et en plus, il dit, il est paresseux. Li annaha ma'lumatun li al-jami'. Pourquoi? Parce qu'elle serait connue de tout le monde. Donc le véridique ne peut pas se distinguer. Le véridique, celui vraiment qui a un désir profond, il est désireux de les apprendre, alors il ira les chercher. كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Il dit de même, comme la nuit du destin, la nuit de la valeur a été dissimulée. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Il dit, وَلَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً حَتَّى يَسْتَرِحَ النَّاسِ. Et donc, elle n'est pas connue jusqu'à ce que les personnes vont se reposer, ils connaissent la date et attendre la date. Il faut la chercher. Tellement elle est grande, et tellement elle a de la valeur, c'est pour ça qu'on dit qu'aussi Laylat al-Qadr, c'est la nuit de la valeur. On traduit comme cela aussi. Il faut la chercher. Sinon, les gens seraient reposés, et puis ils attendent, mais là, il faut la chercher. Et ça fait partie des sagesses pour laquelle Allah Azza wa Jal ne l'a pas révélé. Ne l'a pas révélé, son temps bien précis. Et dit de même, par exemple, pour un moment qu'on a dans Yom al-Jumu'ah, le jour du vendredi, il y a un instant, il y a un moment où les invocations sont exaucées. Vous avez vu, certains savants disent que c'est une heure avant le coucher du soleil, du vendredi. Certains savants disent que c'est lorsque l'imam il est sur al-minbar jusqu'à ce qu'il prie et termine la prière. Il y a des avis qui sont donnés. C'est deux grands avis connus, des avis qui sont donnés sur le moment bien précis. Sinon, ce moment-là, Yom al-Jum'ah aussi, on a des avis donnés, des hypothèses. On a des indications dans des récits. Mais il faut le chercher ce moment. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها ابتلاء وامتحان Et donc, il dit, nous disons que le prophète sallam ne les a pas mentionnés précisément par test, examen pour sa communauté. Ça, c'est ce que dit Shir parmi les avis donnés. وشيخ الإسلام ثقة من وجهين وشيخ الإسلام ثقة من وجهين من حيث الأمانة ومن حيث العلم فقد اجتمع في حقه القوة والأمانة وهما ركن العمل فهو غير متهم في دينه فينقل اتفاقا وهو فيه كاذب وعلمنا ذلك في حاله رحمه الله تعالى وهو ثقة أيضا ليس متهما بقصور العلم بل له اطلاع واسع عظيم فإذا شئت أن تعرف اطلاعه فانظر ردوده على أهل الكلام والفلاسفة كيف يسرد لك 20 كتابا أو أكثر في مقام واحد مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله وعلى قوة استحضاره يقول باتفاق أهل معرفة بحديثي أي بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Là, ensuite, Shir, pour appuyer ce qu'il dit, pour appuyer le fait que on n'a pas un hadith clair, authentique, un hadith authentique où il y a la mention des 99 noms. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte. Il y a des hadiths, mais on a dit, ils ne sont pas authentiques. Là, qu'est-ce que va faire l'auteur pour appuyer ça? Il va mentionner la parole de Cheikh al-Islam dans Majmu' al-Fatawa, qu'on retrouve dans Majmu' al-Fatawa, dans le Majmu' d'Ibn Qasim. Le Majmu' d'Ibn Qasim, quand on dit Ibn Qasim, c'est le grand savant Ibn Qasim qui a réuni. Vous avez vu le grand Majmu' al-Fatawa qu'on a aujourd'hui de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est quoi? C'est, ils ont rassemblé, après avoir fait des recherches, des livres, des fatawa, des écrits, des épîtres, des œuvres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça a été rassemblé jusqu'à ce que c'est paru en de nombreux volumes. Donc, c'est une sorte d'encyclopédie. C'est ce qu'on appelle Majmu' al-Fatawa. Mais ça n'a pas été fait à l'époque de l'auteur lui-même. Ça a été fait plus tard. C'est un savant il n'y a pas très si longtemps. C'est un savant Ibn Qasim qui a fait cela. C'est pour ça qu'il est connu, le Shir. Et lui, c'est le grand-père, celui qui a fait cela, c'est le grand-père de l'un des imams aujourd'hui de Médine, qui est connu, Shah Abdel Mohsen al-Qasim. Celui qui s'occupe, vous connaissez Shah Abdel Mohsen al-Qasim, celui qui s'occupe de Hifd al-Mutun dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'un des imams de Médine. C'est son grand-père qui a rassemblé Majmu' al-Fatawa. Et son père aussi. Et ils ont même fait Majmu' al-Fatawa de l'ancien mufti, le Cheikh de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et d'autres recherches. Et donc, lorsque vous revenez au Majmu' al-Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est justement ce qui est rapporté de Cheikh Ibn Taymiyyah, où il dit تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Le fait qu'il soit cité, ces noms-là, ils disent, dans des récits, ils disent ça ne fait pas partie, Cheikh Ibn Taymiyyah justement dit ça ne fait pas partie de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il dit بِتِّفَاقِي أَهْلِ مَعْرِفَةِ بِحَدِيثِ. Et cela selon un accord entre les grands connaisseurs, les spécialistes en la matière. C'est-à-dire, dans les hadiths, les grands spécialistes du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Taymiyyah dit, ils sont d'accord, ils s'accordent pour dire qu'il n'y a rien qui remonte de manière authentique, qui soit authentique, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous cités dans un récit. Et de là, c'est là que Cheikh Ibn Taymiyyah il a mentionné ça dans le texte. Il va faire une annotation. Il dit, lorsqu'il fait référence à la parole de Cheikh Sam Taymiyyah, qui dit qu'on n'a pas de hadith authentique où le prophète l'aurait fait, aurait mentionné ces noms-là. Il dit, Cheikh Sam Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Et cela selon un accord des spécialistes en la matière, du hadith du prophète. Cheikh va dire, s'il cite Cheikh Sam Taymiyyah, pourquoi? Parce qu'il est fiable dans, à travers deux aspects. Il dit que Cheikh Sam est fiable à travers deux aspects. Aussi bien au niveau de l'amana, du dépôt, de la fiabilité, de l'honnêteté, du dépôt, et aussi bien selon l'aspect scientifique, les ilm. Donc aussi bien du dépôt et de l'honnêteté, c'est-à-dire la confiance qu'on peut avoir, et aussi au niveau du ilm. Au niveau du ilm. Il est référence dans les deux, dans ces deux domaines. Ce qui fait que, il dit, فَقَدْ اِجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ الْقُوَّةُ وَالْأَمَانَةُ. C'est-à-dire que ces deux choses se sont réunies en lui. C'est-à-dire aussi bien la force d'argumentation et la connaissance et l'ilm, une science vraiment immense, et aussi l'amana, le fait que c'est une personne de confiance, qui tient le dépôt, qui est honnête, connue pour l'honnêteté. Et il dit ces deux choses, c'est les piliers de l'œuvre. L'ilm, la science, le savoir, et l'honnêteté. L'amana. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'est pas accusé sur sa religion, sur son honnêteté dans, et sa piété. Quand on dit l'amana, l'honnêteté, la piété, il n'est pas accusé lui sur ça, sur son, sa piété, sur son honnêteté. Au contraire, ken imaman, c'est un imam en ce qui concerne l'honnêteté, la piété. Et aussi, il dit aussi, on connaît son niveau de savoir aussi, n'est pas accusé sur son savoir, ce n'est pas un ignorant. Il était tellement qu'il a atteint un niveau de science immense, il a été surnommé le shir de l'islam. Donc au niveau de ces deux aspects, c'est ça qui donne de la crédibilité à la parole de Cheikh Sam Taymiyyah lorsqu'il dit « Il n'y a pas de texte remontant authentique du prophète sans sur ça. » Et cela selon l'accord des spécialistes en la matière. Des spécialistes en la matière. « Fa yanqulu ittifaqan huwa » Et donc il dit, il n'a pas été accusé dans sa religion, de sorte qu'il aurait transmis un accord des savants, lorsqu'il dit il y a un accord des savants spécialistes en la matière, alors qu'il n'y aurait pas d'accord. Alors qu'en réalité, les savants ne seraient pas mis d'accord sur cela. Il dit, عَلِمْنَا ذَلِكَ مِنْ حَالِ وَهُوَ ثِقَةٌ. Donc c'est un savant, un imam qui est fiable, connu pour son honnêteté et son savoir. لَيْسَ مُتَّهَمًا بِقُصُورِ الْعِلْمِ. Il n'est pas accusé d'avoir peu de science. En réalité, au contraire, il a une connaissance qui est immensément grande. Et si tu veux te rendre compte, il dit, de son niveau scientifique à ce niveau-là, alors prends connaissance de ses œuvres et de ses écrits concernant les réfutations de Ahl al-Kalam, des gens de la spéculation, de la théologie dialectique et de Al-Falasifa et de ceux qui ont philosophé dans le domaine, des philosophes dans le domaine. كَيْفَ يَسْرُدُ ذَلِكَ بِعَشْرِينَ كِتَابًا وَأَكْثَرُ. Et comment il a développé tout cela dans à peu près plus d'une vingtaine de livres ou plus فِي مَقَامٍ وَحِيدٍ, que parfois il écrivait dans une seule situation. مِمَّا يَدُلُ عَنَ سَعَةِ عِلْمِهِ وَالتِّلَاعِ, ce qui prouve sa science profonde. Et lui, lorsqu'il dit selon l'accord des spécialistes en la matière, c'est quelque chose qui est mesuré et pesé. Ay bi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadi 'ilalun 'addaha ibn Hajar yaqulu laysat al-'illatu tafarrud al-walid faqat wa huwa da'ifun ma'ruf bit-tadris bal ikhtilafu fi ay fi al-hadith wa li hada فإن الذين عدوها لم يتفقوا على شيء معين الاضطراب وهو اختلاف المتن أو السند اختلافا لا يمكن الجمع فيه مع التساوي والترجيح فإن أمكن الجمع فالاضطراب لأن غاية ما يكون أن يكون اختلافا في اللفظ وإن لم يمكن الجمع مع الترجيح فالراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ أو منكر فإذا اضطرب الرواة مع التساوي بقي الإنسان في شك من صحة الحديث لأنه لا يمكن أن يرجح طرفا على الآخر ولا يمكن أن يجمع بين الاختلاف فيبقى الحديث من قسم الضعيف كما هو معروف وتدريسه التدريس أنواع منها أن يعتمد على حسن ظنه بالراوي فيحذفه وينتقل إلى شيخ الراوي الذي روى عنه وهو بلفظ يحتمل اللقاء وعدمه فيوهم فمثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة وهو واثق أن رقم اثنين ثقة لكنه مختلف فيه فيحذفه ثم ينتقل إلى رقم ثلاثة ويقول عن رقم ثلاثة هذا التدليس لا شك أنه مشكل وقطح في الراوي ولهذا لا تقبل رواية من عرف بالتدليس إلا إذا صرح بالتحديث وهو ثقة واحتمال الإدراج أن يدخل الراوي في متن الحديث جملة أو أكثر من غير بيان وله أسباب معروفة في المصطلح لكن إذا دار الأمر بين كون إدراجا أو من أصل المتن فإن الأصل عدم الإدراج مثل زعم بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أن قوله جنبوه السواد مدرج وقال آخر ليس بمدرج فالقول قل من نفى الإدراج لأن الأصل عدمه والأصل ثقة الرواة وأن لا يدخل في المتون شيئا ليس منها أما لو دلت القرينة على الإدراج فلا بأس أن نقول إنه مدرج مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذه نعلم أن قوله من استطاع إلى آخر من كلام أبي هريرة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع فالغرة هي بياض الوجه ولا يمكن للإنسان أن يطيل غرته لأن الوجه هو الوجه فإذا خرجت عن الوجه انتهت الغرة أما التحجيل فيمكن أن يطال لكن الغرة لا يمكن وهذا من طرق التي يعلم بها الإدراج انتهى كلامه رحمه الله تعالى donc là j'ai avancé un peu donc là machallah c'était très très très intéressant très intéressant pourquoi parce que par rapport à ce qu'on vient de citer ensuite l'auteur et ça on fera la traduction demain inchallah pour pas être trop long aujourd'hui on fera la traduction inchallah demain et là l'auteur ensuite il va faire référence justement à la parole de Ibn Hajar et d'autres savants concernant l'un des rapporteurs qui rapporte justement le récit où il est mentionné que le prophète aurait mentionné ses noms et que ce rapporteur là est considéré faible chez les savants pour ça que ça a été non accepté et il va mentionner les causes donc là si vous voulez ce qu'on a lu là l'auteur nous a donné des règles concernant la science de Mustalah al-Hadith, la terminologie du Hadith. Les causes pourquoi les savants considèrent le rapporteur non fiable. Et donc la narration, la transmission non fiable. Et c'est très très intéressant. On développera ça, Inch'Allah, dans la prochaine assise de demain, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin. وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والله أعلم وبارك الله فيكم